rage, j'en mets 44 comme ça là, yeah, yeah. Tout le monde s'arrache, tout part en fumée comme ça là, yeah, yeah. Tout le monde m'arabe, négro en loose, des comme Kalash, yeah, yeah. Tout le monde cavale, j'fais des trous partout comme Kalash, yeah. 1 million caché le minimum, yeah. Ils font dans le minima, on paie celui qui demande, évidemment. On se branle quand tu tombes la main, yeah. Du genre, j'veux pas ton être sale connard, t'es qu'un facochère sale gros là. Négro cramé, tex par mon art, saute sur ta pétasse comme acrobate. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que le terrain soit miné, je fais ça en finesse. Toi, t'es dérisoire comme le prix de passe, pas de code crème comme le prix de gaz. Les gars portent plein tous au prix de spa. T'es à ton plein qu'on remplit le bal. T'es à ton plein qu'on remplit le bal. J'ai trop galéré, un jour je lève ma profit. T'as tout le lion sans sur scène, les mines veulent participer. Touchez pas mon parquet, j'suis juste parti pisser. Tous les jours on se la met des sans dépendre de ces pinches avec ta soeur comme des bosses. Oh la shit pour la basse, tu sais que le reste c'est la base. Coco c'est moi qui l'écrase, code pour moi qui mets les morts. Et toi tu fermes ta gueule, appelle pas les gens si t'es pas prêt pour le sport. Toi tu leur donnes ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent c'est ce que j'crée. J'lève ta bouche de ma tête s'il te plaît, et c'est pas la sans des plaies. Et sans ma dîner, mieux tu pas m'ennais. J'ai tapé sans te rousse, des vieilles les amonnais. C'est maintenant, j'ai compris, elle veut parler aussi. Pas très émotif, pas d'émoji. Mot doux, bougie, depuis c'est possible. J'ai puisé, mais j'suis pas épuisé. Contrôle du mental, avec ça les sentiments se perdent. T'es pas prêt pour as, j'balance un opus. T'es prêt de comme on russe. Même si d'instinct on est barré, tu fais pareil mais t'abuses. Ils font les anciens mais n'ont rien vécu. On arrive en balle, moi c'est sûr j'm'en balèque. J'envoie le rôle à Pac, moi c'est Lyon, c'est pas vous, c'est pas ta famille. C'est la maison, y'a du lin mais y'a pas de farine. J'suis pas dans l'ambiance, j'suis pas dans cette ambiance. J'suis dans l'ambiance quand j'pull up sur cette relâchée. Tout est putain console, on lâche pas la console. Et ta bouffe, j'l'ai consolée sur cette relâchée. Regarde comment je l'ai grandi, j'pose la relâchée. J'écris, j'mange des chips, quand je nettoie ma coupe. Je reste solo dans la ville, j'pose la relâchée. J'suis dans la maisonnette et je pose tranquillement sur ma relâchée.